Chapitre 13. Marié. Un 5 avril, à l'hôtel de ville de Brunswick, un monsieur grassouillet, tout de noir vêtu, nous marie. Pour l'occasion, je suis habillée d'un tailleur tressaillant, confectionné par la couturière de ma mère. Aucune fête n'est prévue, ni cérémonie religieuse, bien entendu. D'où l'absence des parents de Klaus, lesquels ont tout de même eu la gentillesse d'envoyer un grand carton de victuailles. Ma famille n'a pas tenu à se déplacer non plus. Peur de mettre les pieds en pays inconnu et de rencontrer les ennemis d'hier, très certainement. Peut-être aussi de la pingrerie. Sont seulement présents Karl et quelques copains de Klaus, ainsi que Michel, mon témoin, un camarade germaniste et un nouvel ami, un indien de la caste des Brahmanes, Sechu, dont j'ai fait la connaissance il y a quelques mois. L'après-midi, le temps est radieux et doux. Alors, nous faisons le tour des étangs de Riedaxhausen. Je me sens légère et belle dans mon sari bleu ciel offert par Sechu. Je suis heureuse. À l'instigation de Karl, nous nous rendons à l'abbaye romaine de Königslutter, dont la pompeuse solennité fait en effet rabat-joie sous le ciel soudainement menaçant. Heureusement, la journée se termine dans la chambrette de Klaus par une orgie de charcuterie et de bière. Si cette union me semble une issue incontournable, elle va surtout nous être très utile à l'avenir pour un rapprochement de conjoints. En cas de réussite à mon concours, je demanderai à faire mon stage à Montpellier, où Klaus vient d'obtenir une bourse pour l'école des beaux-arts à partir du mois d'octobre. Il a hésité avant de donner son accord à notre mariage, mettant en avant nos querelles fréquentes, notre jeunesse, notre inexpérience. N'avons-nous pas vécu jusqu'à maintenant dans un monde de livres et de rêves? Loin de la réalité, ses réticences m'ont blessée. Ne voulait-il plus de moi après toutes ces années vécues ensemble? Pouvait-on tirer en trait sur nos fabuleux voyages, notre riche correspondance et tout ce que nous nous sommes apportés en termes de culture et de soutien dans les études? Si ça ne va pas, je reprendrai ma liberté, répète souvent Klaus. Après le mariage, nous passons quelques jours chez les parents de Klaus. Tout se passe bien, mais j'avoue avoir du mal à les tutoyer comme ils me prient de le faire. En voyant mon jeune mari jouer aux billes jour après jour avec sa jeune sœur de 10 ans, je me demande si je n'ai pas épousé un gamin. Alors que nous croisons un jour une superbe femme noire lors d'une promenade dans le parc du château de Bückeburg, Klaus s'exclame, la lippe baveuse. « J'aimerais bien goûter à une telle créature. » On peut le penser, mais le dire à la jeune femme qu'on vient d'épouser, quelle indélicatesse! Certes, je sais que notre mariage n'est qu'un acte administratif, mais quand même, comme on le voit, notre vie conjugale se présente sous les meilleurs auspices. Une autre fois, nous rencontrons dans une rue de la petite ville Arnold Schreiber, l'ami de M. Lehmann, revenu seulement en 1951 de Russie. Nous acceptons avec plaisir son invitation à boire une bière chez lui. Un appartement modeste, encombré de livres et de papiers, dispersé un peu partout dans le plus grand désordre. Nous prenons place dans sa cuisine. « Vous écrivez ?»« Oui, Clotilde, c'est comme ça que je m'occupe. » Reconnue comme invalide, je vivote grâce à l'aide de ma famille et d'une petite pension versée par l'État. Est-ce indiscret de vous demander ce que vous avez vécu dans les camps soviétiques? Le jour où j'ai fait votre connaissance chez le père de Klaus, je n'ai pas osé vous questionner par crainte de réveiller des souvenirs terribles. Vous savez, je vis avec. Parfois, je suis réveillée la nuit par d'horribles cauchemars. Le passé ne me quitte pas. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Monsieur Schreiber va dans le salon et revient avec un paquet de lettres et de journaux. Je travaille à partir de témoignages de survivants qui ont connu la faim, le manque de soins et d'hygiène, le froid sibérien, la promiscuité, des conditions de travail épouvantables, le désespoir. Pour moi, il en a été de même. À l'époque, la situation de la plupart des Russes n'était guère plus reluisante, il faut le reconnaître. Il y a eu, entre nous, les prisonniers, un gros travail de réflexion sur le nazisme, la guerre et ses conséquences. Vous écrivez un roman? Non, je désire seulement documenter au plus près cette période sinistre dont beaucoup ne sont pas revenus. C'est plutôt un travail d'historien. Quelles ont été vos premières impressions à votre retour en Allemagne? J'ai traversé des villes bombardées. Certains de mes camarades se doutaient qu'ils ne retrouveraient ni maison ni famille. Dans le train, l'ambiance était à l'inquiétude. J'ai eu la chance d'arriver à Bückeburg, ma ville natale, par une journée de grand soleil au mois d'avril. Les arbres étaient en fleurs, l'atmosphère infiniment paisible, c'était le paradis. Mes parents ont longuement sangloté dans mes bras. Le maire et les gens de la rue sont venus me saluer. Un bonheur indéfinissable flottait dans l'air. Le visage de Monsieur Schreiber s'assombrit. Mais ma fiancée n'était pas là, Clotilde. Habitant ma rue, elle aurait dû être au courant de mon retour annoncé officiellement. Maman, sentant que mon regard la cherchait dans la foule, m'a murmuré à l'oreille qu'elle s'était mariée et habitait une autre ville. Quelques jours plus tard, ma bien-aimée, dont la pensée m'avait aidé à survivre, m'a envoyé une lettre dans laquelle elle exprimait ses profonds regrets. Je n'ai pas cherché ailleurs. Physiquement, je suis très faible et incapable de répondre aux besoins d'une femme, si vous voyez ce que je veux dire. Mon seul but dans la vie consiste désormais à maintenir la mémoire et à aider dans la recherche des disparus. Au moins 1 million de personnes. Vous vous rendez compte? C'est une tâche difficile, d'autant plus que l'Allemagne cherche à tourner définitivement la page, comme vous avez dû vous en rendre compte. C'est vrai, dit Klaus, que notre génération n'est pas au courant de grand-chose et ne cherche pas trop à savoir. Les parents, de toute façon, sont bouche cousue. Après moult récits glaçants, arrosés de bière, relatant la construction de voies de chemins de fer et de ponts, l'assèchement de marais et l'essartage de forêts dans la taïga, nous sommes rentrés dans un état plus que second à la maison, un pied en Allemagne et un autre loin, très loin, dans des camps au-delà du cercle polaire. Toutefois, pas aussi terrible que Dachau, d'après Monsieur Schreiber. Le lendemain soir, nous frappons chez Jörg et Eva. La jeune femme qui nous ouvre la porte au bout d'un long moment nous invite à la suivre dans son petit salon où elle éclate aussitôt en sanglots. Jörg est en hôpital psychiatrique suite à une agression contre un pharmacien. Comment ça? Demande Klaus. La drogue, bien sûr. Il lui en fallait toujours plus. Cela faisait 6 mois au moins qu'il ne travaillait plus du tout et me soutirait le maigre argent que je gagne comme vendeuse. C'était une loque affalée toute la journée sur le sofa. Quand il sortait de son trip, c'était pour me frapper. Ses parents ne sont pas intervenus? Si, bien sûr, mais ils n'entendaient rien. Ils ont tout fait pour qu'il soit soigné et n'aille pas en prison. Un si gentil garçon. Quel désastre, dis-je. Vous formiez un si beau couple. Mon mariage est fichu. Peut-être pas. C'est un gars intelligent qui traverse une très mauvaise passe. On va certainement le sortir de là. Tu lui rends visite? Régulièrement, Clotilde, mais on me dit d'être patiente. Mais je ne retrouve pas le Jörg que j'ai connu. Sais-tu pourquoi il en est venu à s'autodétruire? Ça n'allait pas entre vous? Nous étions comme les deux doigts d'une main, déjà à l'école primaire. Après l'obtention de son baccalauréat, il aurait voulu poursuivre des études en ethnologie. Mais son père a tenu à l'associer à son entreprise de ramonage. Il ne se voyait pas faire ça toute sa vie. Et pestait sans arrêt contre son sale métier. Il a commencé à boire, et un jour il est revenu de chez un copain dans un état bizarre. Il avait goûté à autre chose. Nous étions mariés depuis 1 an à peine. Apporte-lui des livres dans son domaine de prédilection. Cela peut l'aider à renouer avec ses ambitions passées. Incite-le à reprendre des études, c'est sûrement possible. Oui, je vais essayer. J'irai me renseigner à la bibliothèque de Bockebourg. Merci à vous deux. Excusez-moi de ne pas vous retenir plus longtemps. Je suis épuisée. Sur ce, nous sommes rentrés dans un état de grande tristesse. Klaus, j'aimerais bien que tu ne touches plus jamais à cette saleté de drogue. Ne t'en fais pas. Je sais tenir la barre. Jörg le croyait aussi. Tu n'es pas plus fort que les autres. Hier, la guerre et aujourd'hui, de nouveaux fléaux ravagent la jeunesse. Connaîtrons-nous un jour la paix? Dans le brouillard épais qui recouvre la ville, je me sens complètement désorientée. Plus de voitures allemandes. Nous roulons maintenant avec une deux chevaux antédiluvienne, s'accordant bien avec mes jupes indiennes et les jeans troués de Klaus. Les examens sont derrière nous. Vive la liberté! Encore un voyage de 2 mois dans la péninsule ibérique aux couleurs de la dictature, qu'aucun îlot lointain cerné d'eau turquoise ne ferait oublier comme en Grèce. Âpreté des hauts plateaux, des villages misérables, une agriculture archaïque. Dans une boulangerie, une femme toute frêle et timide arbore un œil au beurre noir. Là aussi sévissent les machos, me dis-je. La chape de plomb franquiste écrase les villes de sa grisaille et de sa tristesse incommensurable. Seuls les noms des localités chantent. Victoria, Burgos, Salamanque, Valladolid. Un pays qui végète, replié sur son passé, dur et fermé au changement. Les ombres partout y sont très noires et épaisses. Une petite note de gaieté. Sous les ponts fusent des rires de garçonnets barbotant dans les flaques de rivières presque taries. Dans le panthéon de l'austère Escurial, je ressens un grand froid. La royauté pèse encore. Circulant entre les tombes, je croise le regard ardent d'un jeune prêtre très beau. La puissance du clergé catholique est partout, dans ces cathédrales ou ces humbles églises de village, ces soutanes, ces cloches, intimant régulièrement les fidèles au respect de leurs devoirs. Camping dans la capitale, des madrilènes y passant leur congé écoutent la radio à longueur de journée. Visite du Prado, bien sûr, avec tous les grands noms du passé. Je ne prise guère El Greco, contrairement à Klaus. Nous quittons très vite une corrida. La souffrance animale et les hollés de la plèbe nous étant insupportables. À Tolède, nous nous passionnons pour les reliques de la civilisation islamique, dans la grandiose Alhambra des Grenades qui attise mon goût de l'exotisme oriental, un curieux sentiment de religion, morte à jamais, me submerge. L'Andalousie brûle autant que le Péloponnèse. Au loin, la majestueuse Sierra Nevada. Nous filons tout au sud de l'Europe vers l'immense plage de Tarifa où nous nous dorons une bonne dizaine de jours. En face, une côte toute pareille avec ses maisons blanches éveille en moi un violent désir d'Afrique. Oui, un jour, j'irai. Une angoisse mortelle une nuit lorsque des voix mâles gutturales se font entendre à proximité de notre voiture garée derrière un rocher. Une algarade violente qui ne se termine qu'au bout de quelques heures. Ce sera notre dernière expérience de camping sauvage. Le souffle atlantique sur la douce Algarve au Portugal, les braseros dans la rue avec le fumet des sardines et des saules, le petit village de Peniche et ses pêcheurs. Sur une plage, un homme d'une beauté extraordinaire, un acteur peut-être. L'immense camping de Lisbonne, agréable et fort aéré, le charme de la vieille ville qu'on sent tourner vers l'Amérique. Tous les matins, nous sommes réveillés par l'appel d'un camelot identique dans ses sonorités à celui du marchand de peau de lapin que j'ai connu dans mon enfance. Dans un café, un quinquagénaire allemand, assis à côté d'une blonde vulgaire, noue elle et nous offre à boire. Il est installé au Portugal depuis un peu plus de 2 décennies. Sans doute un ancien nazi, me dis-je. Nous prenons rapidement congé de cet homme ventripotent, au teint larvaire, traduisant une grande propreté morale. Dans une ruelle de la pittoresque Coimbra, on nous crache dessus du haut d'une fenêtre en nous couvrant d'injures. Quelle idée aussi de s'aventurer chez les miséreux. Dans un site de vestiges romains, un adolescent détache du sol des morceaux de mosaïque et me les offre avec un grand sourire. Dans la vallée du Douro, nous nous enivrons de Porto lors de la visite des caves et rions comme des fous dans notre voiture qui tangue sur la route. Heureusement presque déserte. Le sanctuaire marial de Fatima, le lourd de portugais, un peu plus au nord. Je ne rejoins plus quand on m'ordonne de couvrir mes bras comme au météore en Grèce. On ne fera jamais progresser la raison par la provocation. Nous rejoignons Wolf et Monica à Lloret de Mar en Catalogne, où ils passent leurs vacances dans un lotissement réservé aux Allemands qui se font livrer toute leur alimentation d'Allemagne. Confort petit bourgeois après des semaines de camping et plaisir sophistiqué le soir dans la petite ville envahie par les touristes. Les amis de Klaus se houspillent comme d'habitude. À la frontière, un douanier espagnol jette un coup d'œil à l'arrière de la voiture tout en caressant ma cuisse. Je le laisse faire car je n'ai aucune envie de vider la voiture ni de donner un petit billet. Ce gars-là sent la corruption et la lubricité. Adieu l'Espagne, avare de sourires. Pour notre part, nous ne nous sommes querellés violemment qu'une seule fois, par une belle nuit étoilée au cœur de la Castille. À l'écart d'un village médiéval dans les environs de Montpellier, Nous louons à un jeune veuf une maisonnette de campagne d'une seule pièce, au mobilier rudimentaire. Autour, un jardinet en friche bourdonnant d'insectes. Les vignes, la garrigue, des collines bleutées. Des couleurs pastels surtout, ravivées de temps à autre par la glaciale tramontane. Pas très loin se dresse l'imposante ferme d'un vigneron chez lequel nous achetons un vin passable. Mon stage dans trois lycées de la ville est si léger que je continue de flotter dans mes rêves. Klaus, quant à lui, se rend à l'école des beaux-arts les jours où il en a envie. Il n'y apprend pas grand-chose, sauf la technique de la lithographie, mais il y fait des rencontres, notamment celle d'Adèle, l'arrière-petite-fille d'un écrivain français plus qu'illustre. Un jour, nous lui rendons visite dans son appartement, aménagé dans une annexe du manoir familial, au bout d'une longue allée de cèdres. Dans la cour, deux pans se pavanent. La jeune femme nous montre des pièces au canapé défoncé où ont séjourné des célébrités des années 30. Tout sent maintenant la poussière, le moisi et la vie morte. Adèle peint, mais a-t-elle du talent? Elle a la gentillesse pour elle et des relations lui promettant un bel avenir. En fin de semaine et pendant les vacances, nous sillonnons les endroits les plus sauvages. En fin de semaine et pendant les vacances, nous sillonnons les endroits les plus sauvages des Causses et des Cévennes qui inspirent beaucoup Klaus. Montpellier le Vieux, l'Avent Armand, le cirque de Navacelles, les grottes de Dargilan. La Camargue nous fascine tout autant. Je me promène parfois avec Léa, une élève qui s'attache beaucoup à moi, et m'invite chez elle à Mauguio. Élevée par ses grands-parents, elle me présente sa sœur aînée, sourde et muette, qui est en réalité sa mère. Une histoire très trouble, visiblement liée à un viol ou à un abandon. Durant nos 10 mois de vie commune, je fugue une dizaine de fois. Dans ma vieille de chevaux, je pars sur les chapeaux de roue, roule 1 à 2 heures dans la campagne, puis m'en reviens pour aller m'enfermer dans la salle de bain, donnant de la tête contre le carrelage, cherchant à m'arracher les cheveux. Klaus, lui, attend, les mains nouées, le regard lointain, et ne cherche aucunement à me consoler quand je ressors, le visage décomposé. Lui, bien sûr, qui n'a rien à se reprocher, ne comprend rien à ces scènes. Une autre fois encore, je lance tous mes livres contre le mur. Des dizaines de manuels scolaires se trouvent ainsi cassés, inutilisables, bons pour la poubelle. La crise terminée, je me replonge tranquillement dans mes préparations de cours. L'origine de mes colères, ce sont toujours apparemment ces petits riens que Klaus se plaît à souligner. Ce régime que je ne veux pas faire, ce minuscule bouton purulent sur mon front ou au coin des lèvres. Il ne comprend pas celle qu'une éducation puritaine et une austérité innée rendent sourde au désir de plaire physiquement. Nous n'avons guère d'élan de tendresse, pourtant nous restons très attachés l'un à l'autre et vivons d'assez longues périodes de paix. Des Français mariés me font des avances que je refuse toujours. L'un d'eux, professeur à Nîmes et époux de ma jeune tutrice enceinte pour la 3e fois, me contemple avec pénétration et douleur dès notre première rencontre. « Vous ne ressemblez à personne, me dit-il un jour qu'il me rend visite en l'absence de Klaus, un enfant dans les bras. « Vous plaisantez ? » dis-je sèchement, mais vaguement ému par son élan passionnel difficilement contenu. Son invitation à me guider dans la visite de Nîmes, je n'ose la refuser. Mais je ne m'y rends pas. Pas question pour moi de blesser une femme que j'estime et de me lancer dans une aventure sans lendemain. Pendant 10 mois, nous nous harcelons mutuellement à propos d'un voyage que Klaus projette de faire seul en Anatolie avec Wolf. J'ai l'impression d'être abandonné comme un ballot de linge sale au bord de la route par quelqu'un avançant des prétextes fallacieux comme la chaleur torride, les dangers d'une expédition lointaine dans un pays arriéré où l'enlèvement et le viol ne seraient pas rares. Ce que mon mari désire tout simplement, je le sens bien, c'est revenir à une vie de jeune homme libre, sans entrave. Et moi, que vais-je faire pendant que tu seras parti? Je n'ai pas envie de retourner chez mes parents. Klaus ne répond jamais. Ce qui me met particulièrement en rage, c'est que monsieur mon mari compte financer son expédition avec le fruit des économies faites sur mon modeste salaire afin de ne pas toucher à son pécule à lui. Notre pécule, comme il dit. constitué par les rentrées de sa bourse et le remboursement intégral de la voiture accidentée en Norvège. En vérité, moi qui m'insurge contre la soif de liberté affichée de Klaus, je commets en grand secret dans ma tête bien des entorses à la vie conjugale. Je continue en outre de recevoir poste restante des lettres du Bulgare Tsanko qui s'est amouraché de moi l'année précédente et d'un Suisse rencontré lors d'un séjour à Lausanne. Mon plaisir secret s'est d'échafauder dans ma tête des histoires d'amour avec des êtres d'autant plus attirants qu'ils sont inaccessibles. Klaus trouve une sérénité parfaite à sa table de travail où elle dessine ses lithos en écoutant de la musique à côté d'un chat tigré très affectueux qui vient de temps à autre lui lécher l'oreille. C'est fin, délicat ce qu'il fait. Mais que signifie en profondeur, en dehors des concessions à la mode du jour, cette obsession des organes génitaux et de leur sécrétion disséminée dans des paysages ou des monuments? Je n'en dis rien mais m'interroge. J'ai été très gênée quand mes parents venus nous rendre visite en avril ont jeté un coup d'œil sur ces travaux. Qu'ont-ils pu penser? Finalement, le voyage en Anatolie tombe à l'eau en raison d'une indisponibilité de Wolf de dernière minute. En mai, Klaus apprend sa nomination comme professeur d'art plastique à Trèves à la rentrée prochaine, tandis que j'obtiens un poste à Hayange, une petite ville de la sidérurgie lorraine. Klaus décide de faire un stage de 2 mois à partir de la mi-juin dans un atelier de lithographie en Suisse avant de rejoindre son pays. Nous logerons chez David, un lithographe de Lausanne dont nous avons fait récemment la connaissance par l'intermédiaire de Karl et d'Agnès qui viennent de se marier. C'est ainsi que nous quittons définitivement le Languedoc par une belle matinée ensoleillée à bord de notre 2 chevaux où nous avons entassé notre maigre avoir. Klaus se rend le matin de bonne heure dans l'atelier de lithographie installé dans une petite bourgade au bord du Léman et revient à la nuit tombante. Le jour où je l'y rejoins, on me remet de l'argent pour que j'aille faire les courses afin de préparer le déjeuner du personnel. Malgré toute la bonne volonté que j'y mets, personne ne me remercie. De la journée, nul ne m'adresse la parole en dehors de Klaus, qui me montre des œuvres de l'atelier, me laissant profondément sceptique. Je ne remettrai pas les pieds dans ce monde de machos qui se prennent pour de grands artistes. Je passe le plus clair de mon temps avec David, qui m'emmène avec lui dans ses voyages d'affaires, à Genève, Berne, Zurich, Bâle, Neuchâtel, Bienne. Nous visitons des musées et des galeries, et avons même accès à de riches collections privées, comme celle d'un vieux monsieur dont tous les murs, même ceux de la cuisine, sont tapissés de tableaux. Un jour, nous allons tous les deux dans une ferme là-haut dans la montagne, habitée par une communauté d'individus aux mœurs volontairement rustiques. Le soir, je raconte à Klaus que la vue de petits enfants gazouillant autour d'une fontaine a déclenché en moi le besoin impérieux d'en avoir tout de suite. « Tu es complètement désaxée, ma pauvre, complètement cinglée, tout juste bonne à enfermer à l'asile psychiatrique. » Je lui ai tiré la langue. Une fois, j'accompagne David au-dessus de Chillon jusqu'à un chalet dominant le lac, véritable nid d'amour, habité par un homme grisonnant, encore plein de charme, et une riche américaine de 18 ans qui fait ses études dans une institution privée de la vallée. Une apparition sublime, des agates à la place des prunelles, de l'or dans les cheveux. Au retour, David me prend la main et nous échangeons un baiser très pur, éthéré, dépourvu de toute passion charnelle. Nous nous arrêtons chez des amis à lui, vivant au milieu de plantureux vergers et entourés d'animaux. Nous rendons visite aussi à Christine, son ancienne compagne, un sosie de Nana Mouskouri. Dans l'atelier de David vient un vieil homme très distingué, un artiste suisse renommé dont j'ai du mal à apprécier le trait hâtif, uniquement suggestif. Un autre, obsédé par le souvenir du corps de sa femme qui vient de l'abandonner, fait de fréquentes apparitions, lors desquelles il ne me quitte pas les yeux. Un autre encore, étudiant en médecine, chante sa belle hollandaise qui lui apporte des joies physiques infiniment savoureuses. Il est beaucoup question d'amour et on philosophe à longueur de journée. Les heures passent, légères et aériennes, sous un ciel invariablement bleu. Quand Klaus rentre le soir, d'humeur bougonne, je m'efforce d'être tendre. Soupçonne-t-il que la belle amitié entre David et sa femme dérive? Il n'en dit rien. se contentant de dénigrer notre hôte, selon lui un mauvais lithographe, un artiste raté, un bon à rien. En ces instants, je le trouve petit, mesquin, méchant, et je ne regrette pas de le voir partir au petit matin. Non. Le désir de David empire de manière toujours plus fiévreuse, mais il y résiste, moins pour des raisons morales que pour mieux attiser le mien. Afin de mettre un terme à ce drôle de petit jeu qui ne débouchera que sur une situation compliquée, je décide de rejoindre en forêt noire ma sœur Josette qui travaille pendant ses vacances dans une maison de retraite. Autorisée à partager sa chambre et ne sachant rester oisive, je m'y engage pour un mois en tant que femme de ménage, ce qui est loin de me déplaire car cela me rappelle Bad Mingolsheim. J'écoute attentivement les confidences de la lingère, une femme divorcée, mère d'un petit garçon, qui se demande si elle doit accepter les avances du gestionnaire de l'établissement. Partout des affaires de cœur. Pour ma part, je vis au jour le jour, sans guère penser à mon jeune mari, qui, visiblement soulagé de mon départ, ne m'écrit guère. Dans le village, je croise souvent de jolies fillettes à l'intonation douce et chantante que je perçois comme une merveilleuse mélodie. Et si j'enfantais, moi aussi? Je me dis que j'aimerais bien tenir une main d'enfant dans la mienne. David m'adresse des messages sur carte postale, très brefs mais poétiques, que je reçois avec une certaine émotion mêlée de perplexité. Un jour, il s'amène à l'improviste, ce qui me décontenance quelque peu. Nous faisons main dans la main une très longue promenade à travers bois et champs, sous un ciel brûlant qui tourne à l'orage. Parfois, nous nous embrassons follement, emportés par un vertige fou que nous tenons à contrôler coûte que coûte pour le prolonger à l'infini. Une relation bizarre. Un peu avant la mi-août, Klaus me rejoint en forêt noire et remonte avec moi à Trèves, où nous trouvons sans peine un grand studio meublé à louer, confortable et spacieux, mais tout à fait impersonnel. Pendant ces heures de travail dans un lycée de la ville, je me promène beaucoup en attendant la rentrée scolaire en France. Je ne me lasse pas de mes flâneries dans le centre historique, sorti tout droit d'un livre de contes de fées. Je vais parfois à la rencontre de Klaus, qui semble devenu un autre homme avec sa nouvelle coupe de cheveux et ses habits neufs. C'en est fini du laisser-aller vestimentaire et des fantaisies de la vie estudiantine. Monsieur l'artiste se range. Se contentera-t-il de la deux chevaux désormais? C'est surtout moi qui utilise le vieux taco pour me rendre à deux reprises à Hayange, où je finis par dégoter une chambrette située entre une voie de chemin de fer et une aciérie crachant des fumées jaunes. Des nuées d'ouvriers descendent de cars poussifs pour rejoindre leur cité grise et sinistre. Quel contraste avec Trèves et ma région natale! Guère de différence avec les grands centres industriels entrevus à Salzgitter et dans la traversée de la Ruhr. Un monde nouveau que, familière de la campagne et des faubourgs, mais pas des villes ouvrières, je soupçonnais à peine. En revenant à Trèves, mes pensées se font douces et poétiques. Le paysage avec ses coteaux fertiles, ses ruines féodales et les méandres gracieux de la Moselle m'apparaît comme l'un des plus beaux et paisibles qu'il m'ait été donné de contempler. Je ne rechigne pas à rejoindre mon mari, mais la perspective de vivre bientôt dans deux univers complètement séparés et antagoniques me remplit d'inquiétude. Nous retrouverons-nous un jour autour d'un projet commun, une maison, des enfants à élever? Un soir, en sortant d'un cinéma où nous venons de voir Rosemary's Baby, Klaus s'exclame à propos de Mia Farrow que rien n'est plus hideux qu'une femme enceinte. Adieu, le joli petit enfant à la voix cristalline. L'avenir est si plat que j'en ai la nausée. La rentrée s'est faite il y a un mois déjà. Dans le lycée technique industriel où j'enseigne, les élèves sont à peine plus jeunes que moi. Rien que des garçons, dont je n'ai pas à me plaindre. Quasiment tous des enfants d'ouvriers venus de partout en Europe. Respect, gentillesse, travail sérieux dans l'ensemble, alors que l'allemand est pour eux une matière secondaire. C'est sûr qu'on ne fait pas de littérature. Il n'y a que 4 professeurs de sexe féminin, subissant plus ou moins les assauts de certains messieurs, parmi lesquels le proviseur en personne. Il faut donc faire sentir qu'on ne mange pas de ce pain-là. Je sais mettre la distance tout en restant courtoise. Le soir, quand je rentre dans ma chambrette, je bavarde souvent avec Isabelle, La jeune vendeuse qui occupe au même étage que moi une chambre un peu plus grande que la mienne. Parfois, il nous arrive même de dîner ensemble. À 10 heures tapantes, ma voisine reçoit la visite d'un gendarme marié qui finit son service chez elle. Elle ne l'aime pas, mais elle n'a personne d'autre dans sa vie, pas de famille non plus. Klaus est venu une seule fois me rendre visite à Hayange. Il dit que le lieu lui donne le cafard, ce qui peut se comprendre aisément. Mais enfin, ne devrait-il pas venir essentiellement pour moi? Pour ma part, j'aime me promener dans la petite ville tristounette où je palabre parfois fort agréablement avec des commerçants à l'abord très facile. Quand je ne sais pas quoi faire, j'essaye de pénétrer l'univers de Proust, ce qui me demande un gros effort intellectuel, mais détourne mon esprit des préoccupations plus personnelles. En fin de semaine, je me rends à Trèves où m'attendent la vaisselle entassée dans l'évier, la lessive, le repassage et le ménage. Je jette assez souvent un coup d'œil sur la maison d'en face, habitée par un général français faisant des exercices physiques dans son jardin. Personne ici ne semble dérangé par cette présence étrangère. Parfois, je vais avec Klaus boire une bière dans le centre-ville. Pourrais-je vivre ici d'une manière définitive? C'est fort petit bourgeois dans l'ensemble. Le repli sur soi me fait peur. Je garde une intense nostalgie de mes voyages qui ont commencé de me livrer des clés pour la compréhension du monde. Hayange, Thionville, la Lorraine de la sidérurgie, c'est le questionnement sur la condition ouvrière. Quand j'en parle à Klaus, ce dernier arbore un air indifférent, comme s'il méprisait mes pensées trop éloignées des siennes. Un dimanche après-midi, alors que nous nous promenons dans le quartier, Klaus me demande « Tu t'ennuies, dis ?» Oui, intensément. Ces maisons au carré, ces jardinets propres, ces grosses voitures qui rutilent, tout ça n'est pas pour moi. 4 ou 5 semaines après la rentrée, je me retrouve assise dans le réfectoire de mon lycée devant Paul, un jeune professeur qui vient juste de se voir attribuer un poste. Dieu qu'il est beau! Des cheveux dorés, le teint râlé, des yeux de velours sombre, un corps d'athlète. Assise en bout de table, intendante, une femme assez jolie, mariée au censeur, a l'air hypnotisée par celui qui semble parfaitement conscient de l'attrait qu'il exerce. Pas question pour moi de succomber au sourire enjôleur de ce séducteur, ma tranquillité étant un bien trop précieux. Je ne tiendrai pas non plus de propos oiseux, comme on en entend souvent à table. Je lance à Paul. Il faut absolument que je me syndique. Je ne sais pas trop à qui m'adresser. Que n'ai-je dit là? Nous voici lancés tous les deux dans une grande discussion politique. Visiblement, les femmes ne l'intéressent pas tant que ça. Je passerai te voir un de ces jours, Clotilde. Quelques jours passent. Passera-t-il ou ne passera-t-il pas? Il vaut mieux continuer à lire Proust. Paul, que je rencontre de temps à autre dans la salle des professeurs, ne renouvelle pas sa proposition. Sans doute est-il trop occupé par ses cours ou autre chose. Lors d'une soirée à laquelle je suis invitée avec d'autres collègues, il est présent, mais ne me prête guère d'attention. Il sait très certainement que je suis mariée. Au moment des adieux, il me dit « Je viendrai demain soir. Prépare-moi quelque chose à manger. « Pour quelle heure ? « 20 heures, ça te va ?»« Entendu. « 20 heures, le lendemain, personne. « À 23 heures, coup de sonnette. » Paul se tient devant moi, tout sourire. Je regarde ma montre. Je sors d'une réunion. Oui, je sais, ce n'est pas correct de ma part. Entre. Agenouillée par terre, au pied de la table, faute de disposer d'une deuxième chaise, je regarde manger Paul qui ne me quitte pas du regard. Je lance à brûle-pourpoint. Dis, tu veux bien me faire un enfant? Tout de suite. Klaus, David et tous les autres. Adieu. Je pousse un landau sur les quais de la Moselle. Le temps est frisquet, mais le ciel est lumineux. Le printemps approche. Je suis longuement des yeux les péniches qui disparaissent tout doucement là-bas au nord, en direction de Trèves. Une image éminemment paisible et pourtant douloureuse. Mes yeux s'embuent, ma gorge se noue soudain car je repense à ma dernière rencontre avec Klaus. Un moment de ma vie qui me fait très mal. Plusieurs semaines de suite, je ne peux m'empêcher de retourner voir mon mari qui me supplie chaque fois de me débarrasser de la chose. Je répète inlassablement. Non, c'est impossible. Cet enfant, je le veux. Il est à moi et c'est moi qui décide cette fois. Je ne peux pas. Je me refuse à ses avances et nous pleurons ensemble. Comme j'accomplis encore les tâches ménagères, il ne pense pas sérieusement que je vis disparaître à jamais de sa vie. Un samedi après-midi, il vient me voir à Thionville où je viens d'emménager avec Paul dans un petit appartement. En gens civilisés, nous nous parlons courtoisement. C'est meublé avec goût. Oui. Nous dînons ensemble, on dirait presque des amis. Le soir, je l'accompagne à son hôtel. Faisons une dernière fois l'amour ensemble, m'importe-t-il, mu par un sursaut d'intense tendresse qui lui mouille les yeux. Touché, je le repousse en pleurant. Non, je choisis l'enfant et l'homme qui a bien voulu me le faire. Essaye de comprendre. Le lendemain, je le raccompagne à la gare toute proche. Il fait très froid et les nez sont rouges. Klaus allume une cigarette. « Tiens, il fume maintenant, me dis-je. »« Je ne te verrai plus, Clotilde. Suis-je obligée de me déplacer pour le divorce ?» Il fait non de la tête. « J'ai un cadeau pour toi, une gravure de belle-mère que j'ai achetée à Paris avec mon premier salaire. » Klaus disparaît dans le hall de la gare et je pose ma main sur mon ventre. Dans son landau, le petit garçon s'agite. « Je suis là. Je ne te quitte pas, mon bébé, la plus belle chose de ma vie. Adieu, l'Allemagne.